Kompass. Die Schweiz hat mehr als vier Sprachen. So, so, gloss, so, so, da. Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagnon, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selom Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Bonsoir à toutes et à tous. 19h à Aro, siège de Radio Canal Cansus Alémanique, 17h au Togo. À mes auditeurs, merci de nous être fidèles dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique qui démarre avec vous également sur nos radios partenaires FM Liberté et Radio Dénigrement, toutes basées aux États-Unis. Depuis deux mois, la crise sociopolitique au Togo s'est aggravée avec de plusieurs manifestations de l'opposition qui exigent le retour à la constitution de 1992. On a déjà enregistré plus de 15 morts et plusieurs blessés graves. La communauté internationale appelle au dialogue. Lors de la réunion de 5 chefs d'État africains, le 24 octobre dernier à Niamey, la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, par la voix du président ivoirien Alassane Ouattara, propose que les réformes réclamées soient opérées par voie de négociation. Après plus de 25 dialogues sans issue, depuis la crise sociopolitique au Togo, comment l'opposition va-t-elle mener de nouvelles concertations avec le pouvoir en vue de trouver une solution? À mes auditeurs panafricains, ce sera l'objet de discussion dans une interview exclusive avec nos invités. Mais en attendant, notre coup de gueule sur la proposition de la CEDEAO dans la crise sociopolitique au Togo. À mes auditeurs, merci de nous être fidèles. Soso glosso sodo elole. Alassane Ouattara, médiateur au Togo, et puis quoi encore? Messieurs les médiateurs de la CEDEAO et de la communauté internationale, ce n'est plus l'opposition togolaise qui est radicale. C'est plutôt le peuple togolais qui exige le retour à la constitution de 1992. Déjà, de quelle légitimité s'affuble Alassane Ouattara pour jouer à un médiateur? Est-ce le genre à la Compaoré? Nous n'avons pas une mémoire courte au Togo. Monsieur Alassane Ouattara était intervenu dans la crise électorale au Togo en 2015. À part son mépris et irrespect à l'endroit de l'opposition, et donc envers le peuple togolais, qu'avait-il apporté pour dénouer la crise politique? Comment Alassane Dramane Ouattara, qui est vénéré et célébré ouvertement par les rebelles de la Côte d'Ivoire, comme leur chef suprême, leur agentier, peut-il demander à un autre sanguinaire de faire autrement? Oui, Fonia Simbé est un fief sanguinaire. Les victimes d'avril 2005 le clament haut et fort. Amis auditeurs panafricains, Alassane Dramane Ouattara dit condamner les violences, quelles que soient leurs origines. Ça, c'est le genre de sornette qu'on débite pour ne pas se mouiller. Et se mouiller, assumer ses actes et propos, ce ne sont pas les vertus les plus connues d'Alassane Dramane Ouattara. Qui ne connaît pas les origines des violences au Togo? Ouattara, c'est le régime militaire de Fonia Simbé qui violente, martyrise, torture et tue les populations aux mains nues. Voilà, pour ta gouverne. On dirait qu'Alassane Ouattara ne connaît visiblement pas le Togo. Il recommande que les Togolais aillent vite à la négociation. Laquelle? S'il y a un pays qui bat tous les records en dialogue, assises, tractations, etc., eh bien, c'est le Togo. On dénombre plus de 25 initiatives de dialogue en 10 ans. Tout le monde sait que Fonia Simbé et sa bande sont les seuls à ne jamais respecter les conclusions et recommandations des 10 dialogues. Alors, Alassane Dramane Ouattara, garde ta découverte pour toi et ton pays qui en a besoin davantage actuellement. Ensuite, Alassane Ouattara déclare soutenir les propositions déjà faites qui permettent d'avancer vers plus de démocratie au Togo. Déjà, à son corps défendant, Ouattara reconnaît que le tripatouillage constitutionnel unilatéral perpétré par le régime togolais depuis 2002 sont à contre-courant par rapport à toute avancée démocratique. Eh bien, maintenant, il faudra que ce dernier se mette un peu au courant des choses au Togo. Les Togolais ne veulent pas d'une simple limitation de mandat. Ils vont s'y faire à tue-tête. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Eh bien, voilà la vraie avancée que réclame le peuple togolais. Enfin, l'ami de Sarkozy et de Bolloré nous promet, la main sur le cœur, que la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, prendra des mesures vigoureuses contre toute personne responsable de violence au Togo. Amis auditeurs, ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Les milliers de victimes de Djoukoué en Côte d'Ivoire réclament toujours justice. Les parents de Ibé aussi attendent la fameuse vigueur d'Ado et de la CEDEAO. Au Togo, les responsables des massacres d'Avi 2005, qui sont connus et identifiés même par les enquêteurs de l'ONU, se pavanent tranquillement dans les rues de Lomé et de l'intérieur du pays. À quand la main lourde de la CEDEAO? Qu'Alassane Dramane Ouattara ne vienne pas nous blaguer. L'heure est assez grave au Togo pour ces gens de marché de dupes. Le peuple togolais est debout. Il ne se laissera plus conter son histoire. Il n'attend plus personne pour arracher son ultime libération. Qui veut l'encourager dans ce sens est le bienvenu. Sinon, qu'il passe son chemin. Peuple togolais, ta flamme de mobilisation rallumée ne doit en aucun cas s'éteindre. Novio a voulu te. La lutte continue. Wowe magbona metwa chika pona mingo koklochu twa fokrebida mewa hanugo. Wowe magbona metwa chika pona mingo koklochu twa fokrebida mewa hanugo. Nedile wosi nova nova mipo mipo ne musele wowu nova nova mipo mipo ya prema uya metwa punu. Nadile wosi nova nova mipo mipo ne musele wowu nova nova mipo mipo ya prema uya metwa punu. Nadile wosi nova nova mipo mipo ore musele wowu nova nova mipo mipo ya prema uya metwa punu. Wowe magbona metwa chika pona mipo koko chuta fokrebi. Wowe magbona metwa chika pona mipo koko chuta fokrebi. Mewa manugbe o. Nadile wosi nova nova mipo mipo ne musele wowu nova nova mipo mipo ya prema uya metwa punu. Nadile wosi nova mipo ne musele wowu nova nova mipo mipo ya prema uya metwa punu. Mima vogbede wo mima vogbede wo ovenu prema wo aduje na mi. Mima vogbede wo mima vogbede wo ovenu prema wo aduje na mi. Mima vogbede wo mima vogbede wo mima vogbede wo netu ledi dima. Mima vogbede wo ovenu prema wo aduje na mi. Mima vogbede wo mima vogbede wo mima vogbede wo mima vogbede wo netu ledi dima. Mima vogbede wo ovenu prema wo aduje na mi. Mima vogbede wo mima vogbede wo ovenu prema wo aduje na mi. Mima vogbede wo mima vogbede wo ovenu prema wo aduje na mi. Mima vogbede wo mima vogbede wo mima vogbede wo mima vogbede wo netu ledi dima. mi ma vo gbede wo wo be nu be ma wo anu jina mi mi ma vo gbede wo mi ma vo gbede wo be nu be ma wo mi ma vo gbede wo le tu o le di di ma mi ma vo gbede wo wo be nu be ma wo anu jina mi. Soldiers, arise. Amis auditeurs de l'émission Fenêtre sur l'Afrique, avant de prendre nos invités, retrouvons d'abord Rodrigue Ayego, notre correspondant au Togo. Il nous fait le point sur la crise politique très alarmante dans ce pays. Rodrigue Ayego, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous les Togolais de la diaspora, bonsoir aux fidèles internautes et fans de l'émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Eh bien, les populations ont vécu de jours très mouvementés et endeuillés suite aux événements qui ont succédé l'enlèvement de Alpha Alassane Mola, tué par balle réelle, blessé par balle réelle, bastonné à mort, crâne fracassé, membre amputé. Le peuple togolais vit depuis plus de 2 mois la barbarie militaire. Des tristes réalités qui ont suscité la peinture d'un tableau sombre. Rodrigue, qu'en est-il exactement? Rue très mouvementée, course-poursuite, bastonnade par des gendarmes, militaires et milices cagoulés et armés de gourdins, machettes, cordelettes, etc. Barricade avec des pneus brûlés, dégageant des fumées noirâtres, couvrant d'une vive chaleur l'atmosphère. Des tirs à balles réelles sur des manifestants à mains nues, avec des vies qui tombent au plaisir du silence, dois-je dire, coupable du chef de l'État fort Nyasimbe qui ne parle pas. Zoumeke Jojo, âgé de 10 ans, élève en classe de 6e, n'existe plus, tout comme les 2 enseignants de Sokodé, un chef traditionnel et tous les autres Togolais qui ont vu leur séjour sur terre violemment écourté par des hommes habillés que les Nations Unies rattachent à juste titre au pouvoir RPT Unir au titre de bras financiers. C'est bien à cela que se résume la situation qui prévaut au pays, notamment lors des récentes manifestations empêchées par un groupe organisé de gendarmes, militaires et milices déversés par le pouvoir dans le pays pour semer la terreur. Le 18 octobre dernier, le centre médico-social CMS Bekuta a été objet d'attraction. Si le jeune Jojo n'a pas pu survivre à ses blessures par balle en pleine poitrine, Michel Touglo, agent de sécurité et contrôleur à l'agence Togoship Operation Security, TSOS en abrégé, a eu la vie sauve de façon, dit-il, miraculeuse. Dans une interview qu'il nous a accordée depuis son lieu sûr de sécurité où il se réfugie, l'homme dont la photo de la tête ensanglantée et suturée à 3 différents niveaux circule sur la toile nous relate les faits. Je suis un agent de sécurité à Togoship Operation Security au niveau de l'aéroport Bekuta. J'étais de service le jour-là, c'était aux environs de 17h10. J'étais au portail de notre direction et j'ai vu les soldats, tout un contingent passer sur la voie pavée. Du coup, j'ai constaté que il y a 4 soldats, 3 militaires et un gendarme qui se sont détachés du lot, qui venaient vers moi. Bon, je sais pas pourquoi ils sont rentrés sur notre ligne et ils s'approchaient de moi. Ils me demandaient de venir à eux. Et j'ai dit pourquoi venir et j'ai brandi mon badge parce que moi j'ai mon badge de service au cou. Et quand j'ai tendu mon badge, le gendarme a vu et puis le gendarme a dit ah, ok c'est bon laissez-le, c'est un agent. Mais les militaires ont entêté et il y a un surtout qui venait toujours vers moi. Et le gendarme l'a encore appelé à l'ordre de dire donc laissez-le, c'est un agent. Mais lui, il est venu directement sur moi, me demandant de lui donner mon portable. J'ai dit, ah, pourquoi te donner mon portable? Le portable qui est à moi, te le donne, pourquoi? Il dit, si je ne lui donne pas, de les suivre. J'ai dit, non, je ne peux pas vous suivre. Ici, c'est mon bureau, c'est mon travail. Moi aussi, je suis en train de travailler ici. Et de force, ils m'ont tenu au pantalon. Et le troisième a fait sortir mon portable de ma poche et j'ai voulu reprendre mon portable. Et là, ils ont commencé par me tabasser. Et après ça, bon, d'autres aussi sont rentrés aussi dans le jeu et ils m'ont tabassé à mort. J'ai été roulé de coups un peu partout sur le corps. Même, je peux même vous présenter mon dos. Si vous voyez mon dos, mes épaules, mon cou, les séquelles sont restées. Mais surtout ma tête, ils ont fracassé ma tête. J'ai été structuré au moins à 4 ou 5 endroits sur ma tête. Et c'est, si vous voyez les plaies, c'est un peu horrible. Tu penses qu'après tout, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Et la seule chose que je peux me rappeler est que j'avais pris la fuite, arrivé à un niveau, et je suis rentré dans notre base et j'ai fermé la porte avec force. Ils ont même voulu foncer la porte, mais la porte était fortement fermée. Et après tout, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et je me suis retrouvé finalement au hôpital de Bekota, Blanc Blanc. Tristesse s'empare de l'esprit du commun des mortels qui craignent une guerre civile. Telles les déclarations de certaines autorités du pays sont incendiaires. Violence, pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité. Cependant, une question taraude encore les esprits. Si l'opposition conduit le peuple à l'abattoir, comme on le dit si bien, qui est alors le boucher? Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Togo, état d'alerte ou de terreur. La communauté internationale appelle au dialogue. Lors de la réunion de 5 chefs d'État le 24 octobre dernier à Niamey, la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, par la voix du président ivoirien Alassane Ouattara, propose que les réformes réclamées soient opérées par voie de négociation. Après plus de 25 dialogues sans issue depuis et la crise politique au Togo, comment l'opposition va-t-elle mener de nouvelles concertations avec le pouvoir en vue de trouver une solution? Eh bien, nous accueillons tout de suite notre premier invité, Ildefonso Akpaki, directeur du journal La Gazette du Togo. Ildefonso Akpaki, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à toute l'équipe de la Radio Canal K basée en Belgique. Bonsoir aux fidèles auditeurs et auditrices de la Radio Canal K. Bonsoir à la diaspora africaine qui ne cesse d'apporter depuis un moment un soutien sans faille au peuple togolais en quête de sa liberté confisquée. Bonsoir à la diaspora togolaise, debout et plus que jamais déterminée. Eh bien, Ildefonso Akpaki, merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Togo, état d'alerte et de terreur, tir à balles réelles, balles blanches, machettes, gourdins, etc. face à des populations qui manifestent les menus. Ildefonso, près de 15 morts et plusieurs blessés depuis le début des manifestations. Amnesty International condamne également cette situation déplorable au Togo. Et décidément, certains citoyens togolais estiment que ce n'est pas la rue qui fera partir Fonia Singbe. Quelle est votre réaction? Sylvain Amos, je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez encore aujourd'hui pour que nous jetions un coup d'œil sur les points qui font la une de l'actualité togolaise, leur analyse et leurs commentaires. Vous dites que certains estiment que ce n'est pas la rue qui fera partir M. Fonia Singbe. Alors, ceux qui soutiennent cette thèse peuvent peut-être avoir raison au regard de toute la barbarie, de toute l'oppression et de toute l'animosité dont le peuple togolais a été victime de la part de ces groupes, et ces unités des forces de l'ordre et de défense, ainsi que ceux-là que nous appelons aujourd'hui milices, qui malheureusement ont semé la désolation au sein de la population togolaise. Ils ont peut-être raison de le dire, parce que face à l'oppression et à la barbarie dont est victime le peuple togolais qui manifeste dans les rues les mains nues, on peut dire que la force brutale a eu raison. A eu raison de ce peuple en quête de sa liberté confisquée par un groupe d'individus, une minorité dont on nous a parlé il y a quelques années. Alors, nous sommes d'avis avec cette thèse-là que beaucoup de choses, de mauvaises choses, ont été planifiées et ont été exécutées. Et lorsque nous jetons un coup d'œil sur les dernières manifestations, vous allez vous rendre compte que dans la rue, il n'y avait qu'une marée humaine au menu qui défilait et qui scandait des slogans hostiles au régime de M. Faure Gnassingbé, genre « Faure must go », genre « Nous voulons le retour de la Constitution de 1992 ». En face de cette marée humaine, on a déployé la force brutale. J'ai été très ahuri de voir que devant des êtres humains au menu qui défilaient, il y avait toute une armée qui a été déployée et cette dernière a fait usage d'une force disproportionnée. Il suffit d'être au Togo pour voir comment les dispersions ont été faites tant dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Puisque aujourd'hui, il n'est plus question que les manifestations se fassent dans la seule capitale, comme on a l'habitude de le dire. C'est tout le Togo qui est debout. Rappelez-vous que dans un passé récent, la ville de Mango a été la cible d'une expédition punitive pour le simple fait que les populations de cette localité sont sorties pour demander ou pour s'exprimer. Il en est de même pour les populations de Bafilo, de Paratao, de Sokoré et d'autres encore qui sont continuellement dans les rues pour s'exprimer, pour dire que ça suffit comme ça. En face de ces populations, de ces compatriotes, de ces citoyens au menu, on a déployé la méthode forte. Nous avons vu des armes de guerre qui ont été utilisées. Nous avons vu des maisons violées où des personnes ont été sauvagement battues par ceux-là même qui ont reçu la mission de les protéger. Les militaires se sont introduits dans des maisons pour commettre des exactions sur d'innocentes populations qui, d'ailleurs, n'avaient même pas pris part aux manifestations. Des jeunes, aujourd'hui, ont fui presque toutes les villes, de l'intérieur surtout, de Sokoré, de Bafilo, de Mango, pour s'exiler dans la forêt, dans la brousse. C'est une situation qui est condamnable. Mais, vous savez, Sylvain Amos, dans ces genres de conditions, il n'y a qu'un peuple debout qui peut venir à bout d'une dictature. Alors, c'est vrai que les gens estiment que la rue ne peut pas faire partir M. Faure Gnassingbé. Mais disons-nous que nous sommes en lutte, et en lutte politique, et le peuple togolais, s'il veut se libérer vraiment du joug de ceux qui l'ont pris en otage, doit faire fi de tout ce qu'il vit et essayer de se dire « Nous en avons ras-le-bol, nous nous levons ». Voilà ce que je peux vous dire concernant tout cela. Et je rappelle qu'il n'y a qu'un peuple debout et déterminé qui peut venir à bout d'une dictature comme celle que nous traversons, nous vivons au Togo. Eh bien, il défonce, ras-le-bol, un peuple debout, c'est ce que vous venez d'affirmer. La crise politique au Togo s'est aggravée ces derniers mois. 5 chefs d'État africains réunis le 24 octobre dernier à Niamey se sont penchés sur le cas togolais. Et la CEDEAO, par la voix de Alassane Ouattara, propose que les réformes réclamées soient opérées par voie de négociation. Idelfonse, votre analyse de la situation. Sylvia Mousse, pour cette question qui a trait au sommet et dont le président ivoirien, M. Alassane Ouattara, s'est prononcé au nom des 5 chefs d'État. Alors, moi, comme je l'ai toujours fait sur d'autres chaînes avant celle de Canal K, j'ai essayé de faire une petite remarque par rapport aux propos du chef de l'État ivoirien. D'abord, c'est un langage diplomatique. Et ensuite, il faut dire que contrairement à ce que disent les dirigeants togolais par rapport à l'organisation d'un référendum, nulle part dans les déclarations du chef de l'État ivoirien, je n'ai entendu ce mot référendum. Alors, c'est une remarque très pertinente qu'il faut faire, même si c'est un langage diplomatique. Mais je crois que le dirigeant ivoirien a fait mention de réformes en vue. Alors, de réformes en vue, je crois que prenant chacun de ces 5 chefs d'État, sauf le Togolais, dans presque tous les pays où tous les pays qui sont dirigés par ces 4 chefs d'État restants, il y a lieu de mentionner que l'alternance a été toujours possible grâce aux réformes constitutionnelles. Et quand on fait allusion aux réformes constitutionnelles, d'ailleurs, le chef de l'État ivoirien l'a dit, il faut essayer de propulser ce que nous appelons l'alternance politique au sommet de l'État. Si tel n'était pas le cas, l'Ivoirien ne serait pas arrivé. Même s'il est arrivé dans des conditions troubles, il y a eu alternance. Et j'ai été très heureux d'écouter le pays hôte qui a accueilli cette rencontre, ce sommet, Mamadou Issoufou, qui a déclaré qu'il n'est plus un candidat, il ne sera plus candidat aux prochaines élections, parce qu'il vient de boucler 2 mandats. Je ne suis pas sûr que ces pays dans lesquels l'alternance est devenue un leitmotiv, je ne suis pas sûr que leur président arriverait à conseiller le chef de l'État togolais de sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels et d'agir tout comme si le Togo n'est pas une république, n'est pas un État, mais un royaume. Alors, tout ce que je peux vous dire, au-delà même du langage diplomatique du chef de l'État ivoirien, nous sommes sûrs qu'il y aura des réformes qui se feront. Et là, langage diplomatique du chef de l'État ivoirien sur la proposition de la CEDEAO sur une sortie de crise au Togo, il défend sa qui la coalition des 14 partis politiques réclame le retour à la constitution de 1992. Et la rue scande, Fon a signé démission à travers la citation désormais populaire Fon must go, mais il défonce, est-ce vraiment la panacée à la grave crise qui secoue le Togo, le retour à la constitution du 14 octobre 1992? Sylvain Amos, vous demandez, est-ce vraiment la panacée à la grave crise qui secoue le Togo, le retour à la constitution du 14 octobre 1992? Rappelons un fait. Le fait, c'est que au référendum du 17 septembre 1992, presque tous les acteurs politiques, je voudrais nommer les principaux leaders, ont demandé chacun à leur formation politique, aux militants, bref, à tout le peuple togolais, de s'exprimer, de dire oui ou non à la nouvelle constitution, c'est-à-dire celle de la 4e République en cours. Et je me rappelais également que, étant jeune, j'ai pu écouter feu le général et Ademoy qui avait demandé à l'époque aux militants du RPT de dire oui à ce travail qui a été fait. Alors, à ce référendum, à ce plébiscite, il est sorti un oui. Et cela a été ratifié, comme vous l'avez si bien mentionné, un 14 octobre 1992. C'est-à-dire que cette loi a été promulguée par feu le général Yarema. Alors, il a fallu que pour une envie vorace de garder le pouvoir, pour le pouvoir, des individus se sont regroupés à l'époque dans une salle d'enregistrement et ont tripatué, ont toiletté. Là, j'emploie le terme même de l'ancien président là, de l'Assemblée nationale, Fambare Ouattara Nathiaba, qui a dit qu'ils ont toiletté. Mais ce qui est dommage dans tout cela, c'est que si au préalable ou en amont, il y avait eu une consultation du peuple, c'est-à-dire comme on l'a fait tout récemment avec une commission conduite par Madame Awanana, on l'avait fait pour demander aux Togolais dans leur ensemble, est-ce que vous voulez qu'on touche à la Constitution? Si cela avait été fait préalablement, je suis sûr qu'aujourd'hui, dans les revendications posées par le peuple togolais, on ne dira pas « retour à la Constitution de 1992 ». Ça n'a pas été fait. Les dirigeants togolais doivent très humblement reconnaître qu'ils ont failli. Et si vraiment ils ont un amour pour ce peuple, ce qu'ils devaient normalement faire, c'est de se plier à cette demande de notre peuple. C'est le peuple qui s'est donné une constitution. Et si tant est que ceux qui dirigent le Togo ont vraiment à cœur les aspirations de ce peuple, l'aiment vraiment, je suis sûr que toutes les scènes de violence auxquelles le peuple togolais est confronté aujourd'hui ne devaient pas avoir droit de cité. C'est une panacée, il faut le dire. C'est une panacée dans la mesure où le peuple veut juste qu'on ramène la constitution qu'il s'est donnée et ensemble, ou dans sa grande composante, si certains ont l'intention de modifier la constitution togolaise, puisque c'est vrai, il faut le reconnaître également qu'il y a des imperfections qu'il y a dedans, qu'il faut corriger, ensemble à travers une constituante qu'on aura à convoquer, à mettre en place, pour revoir les lacunes, il faut le faire comme ça et appeler de nouveau, selon la loi, le peuple à se prononcer. Si tel n'est pas le cas, je suis désolé, Amos, que les choses aillent de cette manière-là. Mais je crois que ce que j'ai pu constater, tant dans la capitale togolaise qu'à l'intérieur du pays, où le peuple demande le retour de la Constitution de 1992, et quand j'ai vu que ce peuple est debout, je me suis dit, il faut le faire. Eh bien, pour vous, le retour à la Constitution de 1992 est une panacée à la crise qui secoue le Togo depuis quelques années. Donc, systématiquement, le retour à la Constitution de 1992 sera la solution au Togo. Et défense, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a environ 3 ans, le peuple burkinabé a rejeté l'idée du référendum. Et le peuple togolais n'y croit pas non plus, et défense. Pourtant, un référendum est prévu par notre Constitution. Alors, pourquoi un référendum serait-il suicidaire? Et pour le combat que mène le peuple togolais, Ildefonso Akpaki. Sylvain Amos, effectivement, un référendum serait suicidaire. Vous savez, ceux qui font semblant de ne pas voir ce qui se passe au Togo depuis le 19 août 2017, et ceux qui sont en total déphasage avec les réalités togolaises, peuvent dire le contraire. Comme j'ai l'habitude de le dire depuis un moment, je ne sais pas comment ça se fera ce référendum, si tant est que dans les rues de la capitale et de l'intérieur, des manifestations ont toujours cours et nous voyons dans les rues une marée humaine, slogan, entonnant des slogans hostiles au régime et demandant le retour à la Constitution de 1992, rejetant un quelconque référendum, si on fait semblant de ne pas écouter tout cela, je crois qu'on amène le pays à l'abîme. Nous avons vu ce que cela a donné. Mais nous devons faire la part des choses. Parce que vous avez parlé tout à l'heure du Burkina Faso. Et vous dites, Sylvain, qu'il y a environ 3 ans, le peuple burkinabé a rejeté l'idée d'un référendum. Le peuple togolais n'y croit pas non plus. Oui, le peuple togolais n'y croit pas. Pourtant, vous dites, un référendum est prévu par notre constitution. Effectivement, quand vous prenez l'article 144 de notre constitution, quand vous faites lecture de cet article, vous comprendrez que la loi fondamentale togolaise a prévu un référendum. Mais la grande question, c'est de savoir, est-ce que tout se fait dans les normes? Est-ce que tout se fait suivant le respect de cette disposition de la loi constitutionnelle togolaise? Est-ce que ce qui se fera sera à l'avantage d'une seule personne ou bien sera à l'avantage du peuple togolais? C'est de cela qu'il est question. Et quand vous jetez un coup d'œil sur ce qui s'est passé au Burkina Faso, vous comprendrez que le peuple ayant senti que c'était juste pour faire la part belle à une seule personne, à l'époque, Blaise Compaoré, vous avez vu ce que cela a produit. Ici, nous pouvons dire que le Burkina est arrivé, ou le peuple burkinabé est arrivé à jeter, à bouter dans la poubelle de l'histoire Blaise Compaoré, parce que, il faut le rappeler, l'armée du Burkina Faso, les forces de l'ordre du Burkina Faso ont agi selon la légalité républicaine. Cette armée-là, ces forces de sécurité, malgré toute la pression, ont gardé leur sang-froid et n'ont pas fait autant de victimes comme c'est le cas au Togo. Mais depuis le 19 août dernier jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que l'expression du peuple togolais est balayée de revers de main et par les dirigeants togolais et par l'armée togolaise qui normalement devait être une armée apolitique républicaine, c'est-à-dire au service du peuple togolais. Et cette armée, pour la mission qui lui a été confiée, conformément à l'article 149, la mission-là n'est plus respectée parce que tous ceux que nous avons eu comme victimes des barbaries, des oppressions, des violences, ont dit qu'ils ont été blessés par des hommes en uniforme. C'est la différence qu'il y a entre la scène qui s'est produite au Burkina Faso et celle qui se passe actuellement au Togo. Vous l'avez bien relevé d'ailleurs dans l'une des questions que vous me posez, Sylvain, en disant que Amnesty International et presque toutes les organisations de défense des droits de l'homme sont inquiètes du cas togolais parce qu'il y a trop de barbarie, il y a trop d'oppression, il y a trop de violence, il y a trop d'animosité qui est exercée sur le peuple togolais en quête de sa liberté. Oui, référendum, mais dans les normes et selon la volonté d'un peuple. Parce qu'il est question d'un peuple. Je disais, mais vous êtes en train de violenter du nord au sud et de l'est à l'ouest les populations qui demandent le retour à la constitution de 1992, qui demandent ensuite le départ de M. Faure Gnassingbé. Mais dans le même temps, vous dirigeants, appuyés par des miliciens, vous oppressez ce peuple et vous dites que vous voulez appeler le peuple, le même peuple, à un référendum. Comment ça se fera? Ce peuple que vous violentez, c'est lui qui vous offrira les suffrages? Nous savons comment les élections sont organisées et proclamées au Togo. Un référendum, dans le cas d'espèce, est vraiment suicidaire pour le Togo et pour le peuple togolais. Voilà ce que je peux vous dire, Sylvain, au regard des réalités que nous vivons depuis un moment au Togo. Merci beaucoup, Ildefonso Akpaki, d'avoir expliqué à nos auditeurs les polémiques autour du référendum qui pourrait être suicidaire pour le combat que mène le peuple togolais. Il est vrai que les Burkinabés l'ont rejeté et les Burkinabés ont raison. Les Burkinabés ont réussi finalement à chasser Blaise Compaoré du pouvoir il y a 3 ans. Ildefonso Akpaki, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette interview exclusive que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Lomé. Togo état d'alerte ou de terreur. C'est le constat fait d'ailleurs par plusieurs presses internationales. Que direz-vous comme mot de fin, Idelfos Akpaki? Ce constat qui a été fait par plusieurs presses, y compris la presse locale, je voudrais juste, en guise de mot de fin, me jeter dans des questionnements. Je voudrais savoir si l'État togolais est encore dirigé, si nous avons encore un président de la République qui, conformément à la loi fondamentale togolaise en son article 64, a juré de tout faire pour sauvegarder et garantir l'unité nationale. Si je me jette dans ces questionnements, c'est parce que dans un passé récent, à Atapame, M. Faure Gnassingbé a dit, au regard des violences qui ont émaillé la nation togolaise, endeuillé des familles togolaises, M. Faure Gnassingbé a dit, plus jamais ça au Togo. Voilà pourquoi son silence, depuis que ces violences ont commencé, violences dénoncées par la communauté internationale, par des presses internationales, par des organisations de défense des droits de l'homme, de l'intérieur que de l'extérieur, je voudrais savoir si son silence ne peut être illustré comme une complicité des violences que vivent les populations togolaises. Parce que je ne comprends pas. Pour un père de famille qui voit que sa famille est menacée, que ses enfants se battent, qui se tait, ne peut qu'être un complice de ce qui se passe. Et au regard de tout ce que nous vivons, tout ce que le peuple togolais vit, je voudrais savoir l'importance de ces cérémonies de purification qui ont eu lieu il y a quelques semaines, si je peux m'exprimer ainsi, où nous avons vu des prêtres vaudous qui se disent, des gens qui se disent des prêtres vaudous, qui ont fait des libations et qui ont dit que le sang ne va plus couler. Nous les avons interpellés à l'époque en leur disant, est-ce que ce que vous êtes en train de faire là va profiter au Togo? Si dans le passé, on n'est pas arrivé à connaître les vrais auteurs, les commanditaires et les bénéficiaires des violences qui ont endeuillé le Togo, si on ne les connaît pas et ils ne sont pas soumis à la rigueur de la loi, nous sommes sûrs que dans les mêmes conditions, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Voilà que le sang continue toujours par couler. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la ville de Sokodé étant déserte, on continue toujours par traquer. On continue par enlever. On continue par torturer. On continue par violenter les populations innocentes. Et nous vivons dans un état, on me dira, J'en appelle à la conscience des dirigeants togolais qui, dans leur déclaration, ont prouvé à suffisance au peuple togolais et à la communauté internationale qu'ils ne sont pas là pour eux. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des milices qui violentent et qu'un ministre confirme non seulement leur présence, mais les conforte dans leurs actes macabres. On ne peut pas comprendre tout cela. J'en appelle à la conscience de tous. Je salue une fois encore la détermination de tous les Togolais, du peuple togolais. Je salue la détermination de la diaspora togolaise qui a prouvé au monde entier que le Togo doit tourner cette page sombre pour que l'alternance devienne aussi le leitmotiv de la République togolaise. Je salue la diaspora africaine. Merci Sylvain Amos et merci à tous. En tout cas, Isaac François Bakri, merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé. Je rappelle à nos fidèles auditeurs, auditrices de Radio Canal K dans cette émission, Fenêtre de Centrafrique, émission synchronisée sur nos radios partenaires FM Liberté Radio délivrant toutes basées aux États-Unis, que vous êtes directeur du journal La Gazette du Togo. Merci et bonsoir. C'est quand on de règne d'Enyasimbe. Ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinats politiques, crimes économiques, cabésier au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, assassinat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne d'Enyasimbe, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique d'Enyasimbe d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vainc dans la dignité. Wakato adala Togobia ive. Wakatifo Togobia fenima. Togobia aloato dala ekwe ekwe nesen. Togovio gamesu michite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora. Il n'y a pas de Togolais du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Nous sommes tous appelés Togolais. Togolais du monde entier, où que tu sois. Apporte ton soutien. Donne à ta chère patrie un sourire d'espoir. Notre Togo est un joyau. Sans égo, gardons-le toujours plus beau. Un pays, un peuple, une histoire qui nous appelle au devoir de mémoire. One country and one hope, same history and same will for a better future. Togolais, ta nation a besoin de toi. Peu importe tes déceptions. Peu importe tes déceptions. Meignons, sois heureux. Un jour, nos rêves se réaliseront. Un jour, nos rêves se réaliseront. Togo chéri, tout petit, mais au cœur immense. Togo chéri, tout petit, mais au cœur immense. Togolais du monde entier, est-ce qu'on y pense? Togolais du monde entier, est-ce qu'on y pense? We must believe that. Non, non, non. rouge, le jaune, le vert. Voici donc la couleur qui me rend le fier. D'appartenir à cette terre qu'ont toujours vénéré mes ancêtres. À l'édifice, voici ma pierre, contribue au développement du Togo. Alors assemblons nos efforts, d'ici et d'ailleurs que le Togo soit plus beau. Y avait du palador, mais nos babes tiens battent dans la gomme, ils n'ont plus. Y avait forcé les bannières pour PDK, PDK, et nous l'ayons c'est PDK. Le folie est du paquet doux, all not dit du paquet canard. Le folie n'a pas mal. Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analyse. Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique. La voix des sans-voix. La voix des opprimés. Eh bien, mes auditeurs, merci de votre fidélité sur le 3xW FM Liberté et 3xW Radio, dédiquement aux États-Unis. Togo, état d'alerte ou état de terreur. C'est ce que laissent entendre d'ailleurs les événements qui se sont succédés depuis environ 2 mois à travers de gigantesques manifestations du peuple togolais qui exigent le retour à la constitution de 1992. Pourquoi tant de répression au nord du Togo? Nous accueillons à mes auditeurs pour vous tout de suite notre premier invité, Moussa Issifou, coordinateur du mouvement citoyen Sémafo Togo, qui est également membre de la CEMAD, coordination des mouvements et associations de la diaspora togolaise. Moussa Issifou est en ligne depuis Caroline du Nord. Moussa Issifou, bonsoir. Bonjour Amos, bonjour aux auditeurs de la radio Canal Cassus. Eh bien, Moussa Issifou, comment réagissez-vous à la situation qui prévaut à Bafilo? Eh bien, des populations, par crainte de répression, se sont réfugiées dans la brousse. Amos, la situation qui prévaut actuellement à Bafilo nous inquiète et nous révolte. Des gens qui sont contraints de quitter leur domicile pour se réfugier dans la brousse, dans un pays qui dit à qui veut l'entendre qu'il est une démocratie. C'est dommage. En effet, depuis l'enlèvement de l'imam Hassan Mola de Sokodé, dans la nuit du lundi 16 octobre 2017, la traque des militants de l'opposition a repris. C'est ce qui a obligé les populations à prendre le chemin de la brousse pour sauver leur vie. À Bafilo et à Sokodé, il s'agit du terrorisme d'État. Parce que le terrorisme, ce n'est pas seulement déposer des bombes ici et là ou faire des opérations kamikazes. Le terrorisme, c'est aussi ce qui se passe actuellement à Bafilo et à Sokodé. Je vous dis, Amos, quel est l'objectif du terroriste? L'objectif du terroriste, en effet, c'est obliger sa victime à changer son mode de vie, à avoir peur de vaquer librement à ses occupations quotidiennes. Alors, lorsque les populations de Sokodé et de Bafilo ne peuvent plus aller au marché, ne peuvent plus aller à la mosquée pour prier, ne peuvent plus rester dans leur maison, ne peuvent plus dormir dans leur propre chambre, par peur de se faire tuer par balle, lyncher, tabasser ou traumatiser. Cela s'appelle quoi? Cela s'appelle du terrorisme. Et puisque ici, c'est l'État qui est derrière tout cela, nous parlons à juste titre du terrorisme d'État. Ni plus, ni moins. Eh bien, terrorisme d'État, vous avez dit, Bafilo a bien connu terreur assiégée par des militaires. La peur règne dans ce village au nord du Togo. Et là, Moussa Issifou Alpha Abdou Raïd a été interpellé tôt le matin de dimanche, vers 2h du matin, par des gendarmes à son domicile. D'abord, comprenez-vous pourquoi on procède à l'arrestation des dignitaires musulmans au Togo? Amos, vous parlez d'interpellation. Mais moi, j'appelle les choses par leur nom. Tout euphémisme exclu. En effet, Alpha Waïdou a été enlevé par des hommes en tenue de gendarme alors qu'il dormait dans sa maison en compagnie de sa famille. Il a été amené manu militari, torse nu, vers une destination inconnue. C'est ici le lieu de condamner avec la dernière rigueur cette barbarie d'un autre siècle. Amos, je vous dis que même un animal ne doit pas être traité de la sorte. Même eux, qui sont actuellement en train de tuer leurs propres citoyens, ne sont pas traités de la sorte. Je m'indigne alors par rapport à cet enlèvement et j'invite tous les Togolais à en faire autant. Oui, on ne badine pas avec la vie humaine. Nous mettons en garde Fort Niassingbé et ses soutiens locaux contre toute atteinte à l'intégrité physique et morale d'Alpha Waïdou. À l'heure où je vous parle, Amos, personne ne sait où se trouve Alpha Waïdou. C'est pourquoi nous disons qu'il s'agit d'un enlèvement pur et simple. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour demander sa libération immédiate. Parce que ce n'est pas sérieux. On ne traite pas un autre humain de la sorte. Eh bien, justement, on peut comprendre votre indignation. Et là, Sokoré a vivement riposté contre l'arrestation de Alpha Alassane Mola, un imam très connu dans la région, justement avec des conséquences que nous savons tous. Par contre, Moussa Issifou, pour Alpha Abdou Raïd, Bafilo semble rester silencieux. Comprenez-vous ce silence? Amos, le silence constaté après l'enlèvement d'Alpha Waïd a été obtenu après des sensibilisations intenses auprès des jeunes. Nous avons demandé à la jeunesse engagée de ne pas riposter parce que nous avons compris la stratégie du régime RPT uni. Un adage de chez nous dit, en pays thème, si on te dit que c'est un cavalier qui a tué ton papa, à chaque fois que tu vois la termitière, tu dois prendre tes dispositions. C'est ce qui explique le silence observé jusqu'à présent. En effet, pour nous, l'enlèvement d'Alpha Waïdou dans des conditions similaires à celles de l'imam Hassan Diobo de Sokodé, avait pour but de produire les mêmes effets. Ne dit-on pas souvent que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets? Le régime a voulu utiliser cet enlèvement pour déclencher la même barbarie en cours actuellement dans la ville de Sokodé. Vous savez, Amos, les peuples thèmes de Sokodé et les peuples thèmes de Bafilo sont des frères. Et pour le RPT, l'épuration ethnico-religieuse ne peut épargner aucun d'eux. Mais nous avons pris la mesure de la chose et avons dissuadé les jeunes contre toute riposte pour ne pas permettre au régime RPT de mettre en pratique son plan macabre d'élimination physique de nos populations. Voilà, c'est ce qui explique le silence observé jusque-là, la retenue observée jusque-là. Eh bien, Moussa Issoufou, vous venez de dire que vous avez dissuadé les jeunes à ne pas riposter, puisque vous ne voulez pas prôner la violence. Nous rappelons à nos fidèles auditeurs et auditrices de cette émission que vous êtes natifs de Bafilo. Eh bien, selon des informations, lors des dernières manifestations à Sokoli, deux militaires ont été tués par des manifestants en colère contre des forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles sur la foule, faisant au moins deux morts et plusieurs blessés. Moussa Issoufou, comment expliquez-vous cette situation où les manifestations au départ étaient pacifiques? Amos, comme vous l'avez dit, et jusqu'à preuve du contraire, les manifestations des forces vives de la nation resteront toujours pacifiques. Maintenant, s'agissant de ce qui s'est passé à Sokoudi le lundi soir, jusqu'à présent, personne ne peut dire avec certitude qui a tué les deux soldats. Aucun parle des milices du régime RPT Unir qui l'ont fait peut-être pour justifier la barbarie en cours à Sokoudi. Vous-même, vous avez vu des images qui montrent des êtres humains avec des corps dénaturés, des membres fracassés, des têtes cassées et des bombes. En un mot, des images qui expliquent la haine que ce régime nourrit contre le peuple Tim. Amos, les mots me manquent pour condamner une telle sauvagerie. Pour finir, Amos, j'insiste, je persiste et signe que la violence émane du régime en place et de ses milices. Eh bien justement, tout à fait, la situation est très, très dramatique au Togo, état d'alerte, état de terreur, état de siège à Bafilo, à Sokoli, envahi par les militaires, la peur règne et psychose totale. À Lomé, les miliciens proches du pouvoir ont semé terreur et désolation. Et Moussa Issoufou, on parle même d'autodéfense. Alors, quelle lecture faites-vous de la situation? Oui, Amos, moi je pense que la stratégie de la terreur adoptée par le RPT Unir vise à dissuader les forces qui luttent pour la fin du régime du fort. Comprenez que tout régime dictatorial existe au dépens de sa victime, de la peur de sa victime, ce qui explique le climat de terreur, de la psychose savamment créé par le RPT Unir dans les villes de Sokoudi, Bafilo, Lomé, Mango. Pour le régime, en intensifiant la barbarie sur la population, les marches vont s'arrêter, histoire de profiter de la calmie pour précipiter l'organisation du référendum. Mais je pense que le peuple togolais a compris que cette fois-ci, le recul n'est pas permis. Alors, quel que soit le régime, ce que le régime fera, la mobilisation va continuer et elle doit continuer dans toutes les villes du Togo. Le peuple est arrivé à un tournant décisif de son histoire et tout le monde est prêt à consentir le plus grand effort pour être acteur et non spectateur de ce qui se déroule actuellement au Togo. Pour ma part, Amos, la position constante des jeunes des villes de Bafilo, Sokoudi et Lomé me réconforte. Ces jeunes disent que rien ne les arrêtera dans leur marche pour la libération du Togo. Eh bien, Moussa Issoufou, situation très alarmante au Togo. Togo, état d'alerte, état de terreur. Une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Caroline Dinon. Quelle issue entrevoyez-vous à cette crise qui, malheureusement, continue de faire compter des morts, des blessés par balles? Moussa Issoufou. J'ai peur pour le Togo, Amos. J'ai peur pour mon pays. Seul Fort Yassingbé peut nous éviter le pire. Mais seulement, nous constatons que ce dernier n'est pas dans la logique de l'apaisement. Au contraire, dans son désir insensé de conserver le pouvoir à tout prix, comme il nous l'a prouvé en 2005, il est prêt à massacrer encore les Togolais qu'il prétend gouverner. Je m'en indigne. Amos, à l'allure où vont les choses, on doit craindre le pire au Togo. En l'occurrence, vu ce qui se passe à Sokodé, à Bafilo, où des citoyens sont enlevés, amenés manu militari vers des destinations inconnues, où les bastonnades des femmes, vieux, enfants, laissant des traumatismes permanents, tout au nom de la conservation du pouvoir que le père lui a dit de ne jamais laisser s'échapper. Quelle honte! Je rappelle qu'il faut plutôt prier pour notre pays. Il faut prier pour le Togo. Parce que lorsque nous constatons des comportements à l'allure d'un génocide à Sokodé et à Bafilo, des génocides dirigés contre les musulmans Tim de ces localités, nous devons craindre pour le Togo. C'est ici le lieu de dénoncer le plan macabre que pense utiliser le régime RPT pour faire reculer les forces démocratiques. Je demande alors au peuple togolais de ne pas reculer, car à partir du moment où l'esclave décide d'assumer sa révolte et de tenir tête au maître, ses chaînes tombent. Car le maître n'est maître qu'aussi longtemps que l'esclave accepte sa condition d'esclavage. En tout cas, Moussa Issoufou, merci beaucoup de nous avoir accompagnés en ligne depuis Caroline Dinon. Je rappelle à nos fidèles auditeurs que vous êtes coordinateur de SEMAF Togo. SEMAF Togo est membre de la coordination des mouvements et associations de la diaspora togolaise SEMAD. Merci et bonsoir. Je vous remercie, Amos. À mes auditeurs, merci de votre fidélité sur nos radios partenaires FM Liberté Radio d'Enigma. Après cet entretien, nous marquons une pause. The movement of the revolution, Rastafarian, send no to the Babylon. Give what belongs to Caesar what belongs to the people. For the voice of the people is the voice of Jah Almighty High. Rastly combination, Jada Metsisev, vibration, firebone them, gonna be atta. Si on doit donner à Oscar ce qui appartient à César, il n'y a plus de vérité. Le temps est arrivé qu'on donne à César ce qui est à César, et au peuple ce qui appartient au peuple. In the name of Jah. Yes, I. Fire! Le peuple a le dernier mot. La victoire appartient. Le fauteuil présidentiel n'est pas un banc familial. Mime l'on a vendant notre ro. Mime l'on a vendant notre ro. Mime l'on a vendant notre ro. Yahweh, mime lona, bonbon notoro, Yahweh. Togo bi me gabon, jidudule, mi chite ne mi aron, jidudwa. Togo bi gamesu, jidudule, mi chite ne mi aron, duya. Togo bi me gabon, jidudule, mi chite ne mi aron, jidudwa. Togo bi gamesu. Jidudule, tu kwa le blombe e sounene. Togo vi megabon, jidudule, mi chite ne mi aron, jidudwa. Togo vi gamesu, jidudule, mi chite ne mi aron, duya. Togo vi megabon, jidudule, mi chite ne mi aron, jidudwa. Togo vi gamesu, jidudule, tu kwa le blombe e sounene. Treasure. Yeah, man, I already got him there. Tout voici nous scellé. Tout voici nous scellé. Tout voici nous scellé. Hey, yes, si nous scellé. Tout voici nous scellé. Hey, yes, si nous scellé. Retour au studio avec nos radios partenaires et sur le même sujet, Togo, état d'alerte, état de terreur. Nous recevons également en ligne depuis les États-Unis Kwasi Kloussé, coordinateur de ALTO, Action pour la libération du Togo. Kwasi Kloussé, bonsoir. Oui, bonsoir Amos, bonsoir aussi à la diaspora, mais surtout bonsoir à tous mes frères là-bas au Togo, les parents. Nos enfants, les blessés, tous ceux qui sont meurtris dans leur âme actuellement par la crise que nous traversons. Et je vous salue, je vous dis, mon cœur est avec vous. Kwasi Kloussé, merci également d'être l'invité de l'émission Fenêtre sur l'Afrique. Écoutez, depuis 2 mois, la détermination du peuple togolais a fait la une des journaux internationaux. Et malgré l'interdiction des manifestations en semaine par le gouvernement, la coalition des 14 partis de l'opposition a tenu tête et organisé des marches en semaine. En réponse, le pouvoir a fait appel aux milices, c'est ce que nous racontent d'ailleurs quelques journaux au Togo. Le pouvoir a fait appel aux milices pour semer la terreur dans le pays aux côtés des militaires. Kwasi Kloussé, pensez-vous que ces milices arriveront à anéantir la mobilisation populaire? Non, Amos, non, je ne crois pas que les milices pourront anéantir la détermination de la population. La raison est simple, vous voyez, quand vous interdisez quelque chose aux gens, c'est que vous ne le faites pas vous-même. Même si vous l'aviez fait dans le passé, ça reste. Alors, on a vu les ministres du gouvernement aller dans la rue, fermer leurs portes et sortir, marcher en pleine semaine, soi-disant pour le RPT. Et on comprend que ces gens-là ne sont pas pour la population. Mais maintenant, s'ils interdisent la marche à la population, manifestation, c'est avant tout une manifestation, que ça soit en semaine ou que ça soit pendant le week-end. Il faut comprendre d'abord pourquoi les gens manifestent. Donc, à mon avis, bon, s'ils interdisent, c'est qu'ils veulent casser le mouvement. Et pire, s'ils sortent des milices, ça se comprend qu'ils veulent plus que casser le mouvement. C'est pour moi, hein, selon moi, il y a même un autre plan derrière. Voilà quoi. Donc, le fait de sortir les milices, hein, ça ne peut plutôt que galvaniser, selon moi, la population. Je crois que sur ce plan-là, ils ont échoué. Ben voilà, Kossi Kloussé, vous êtes optimiste que les manifestations continuent, que la mobilisation continue au Togo. Alors, une idée machiavélique se cache-t-elle derrière l'agissement des milices? En gros, que comprendre, Kossi Kloussé, de cette violence inouïe des milices sur les manifestants en colère? Bon, s'il n'y a pas un plan machiavélique derrière, hein, le fait de sortir les milices pour attaquer les marcheurs, ben, je viens de le frôler. Je crois, à mon avis, qu'il y a un plan machiavélique derrière le fait de sortir les milices. Et moi, je peux vous donner une certaine analyse, hein, c'est personnel. Et je crois que au Togo, nous sommes en train, ou bien les gens, hein, les gouvernants, ceux-là qui ne veulent pas partir, sont en train de préparer un génocide. Et c'est une manière, quand on sort la milice, de voir si, oui, l'opposition va aussi faire quelque chose comme ça. Ils savent qu'ils sont les mains nues. Ce serait une occasion pour dire, bon, on va tuer les opposants, on tue les chefs d'opposition, par exemple, et ça va révolter la population. Bon, on tue une grosse partie de la population, ça va révolter une partie des militaires, ils vont sortir, bon, on va les... C'est une manière d'épurer aussi l'armée, parce que ça se comprend qu'actuellement, l'armée n'est pas à 100% d'accord avec ce qui se passe. Et la raison, pour moi, pour laquelle on ne trouve pas à sortir, c'est pas plus que des policiers et des gendarmes. Non, on trouve maintenant que même les bérets rouges qu'on envoie d'habitude, bon, ne feront pas l'affaire. Alors on prend quelques hommes, les caciques là, les durs, on les prend, on forme une milice avec eux. On croit que ça peut casser le mouvement, la population, ou provoquer quelque chose pour que, ouais, on passe au génocide, au plan B. Donc les gens en face, hein, les gens que la population, les Togolais ont en face d'eux, il faut les comprendre, hein, ils s'accrochent au pouvoir et ils font tout et feront tout pour ne pas le laisser, ou du moins vendre chèrement leur peau, quoi, voilà. Mais je crois qu'il faut éviter ce piège, hein. Personnellement, l'opposition doit être assez intelligente pour éviter ce genre de piège maintenant, quoi. La population aussi, hein. Mes frères togolais, il faut qu'on évite le piège du génocide, le piège de la violence. On ne doit pas donner une seule chance, hein, à ces gens-là de nous prendre à leur jeu, quoi. Voilà, moi, ma manière de répondre à cette histoire. Mais analyser de près cette situation qui perdure au Togo, Togo état de terreur, Togo état d'alerte, le mutisme de Fonia Singbe, l'installation des membres de la CENI pour organiser le référendum, Kwasi Kloussé, doit-on conclure que le pouvoir est-il en train de faire vivre au Togo les auditons? Le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie et la caravane passe. Ben, non, je crois que nous n'arrivons pas souvent à analyser les gens du RPT Unir, hein. Quand on est acculé, on joue tous les pions. Actuellement, le parti au pouvoir est dans ce que moi je peux appeler le mode du pire ou de rien. Et pendant qu'on se prépare au pire, c'est-à-dire au génocide qui va amener à ce que, bon, peut-être une intervention de la communauté internationale, bon, on arrête des gens, on les amène au CPI, ça c'est le comble. Et moi, j'aimerais pas voir quand même, hein, des Togolais aller se faire représenter là-bas au CPI un jour. il faut qu'on arrive à régler le problème en famille. Donc, bon, le second plan quand même aussi, c'est on prépare les négociations. Et pour pouvoir préparer les négociations, il faut qu'on dame tous les pions possibles et que c'est ce qu'on voit. Pendant que les gens terrorisent la population, d'autres vont au niveau de du CENI préparer les élections, soi-disant un jour on pourrait aller au référendum. Mais il faut pas qu'on soit dupe. Oui, et ces gens-là veulent se préparer au référendum, pas pour les perdre. Vous voyez, ça c'est l'avance que le parti au pouvoir a sur l'opposition ou sur nous les Togolais. Et ils réfléchissent un tout petit peu plus vite que nous, ils prévoient en fait. Et nous, on n'arrive pas à prévoir. Mais aujourd'hui, il va falloir prévoir que oui, et voilà le plan qu'ils ont en tête. Et que on pourra négocier, mais jamais on ira au référendum. Pourquoi? Parce que les dés sont déjà pipés, puisque il y en a qui préparent cela à l'avance, donc ils peuvent le truquer comme ils veulent. J'invite les Togolais à ne pas tomber dans ce genre de piège. Négociation, oui, mais une négociation où aussi la population ne va pas perdre. Moi, je parle souvent au nom. Non pas de l'opposition, non pas du parti au pouvoir, mais je parle au nom de la population. C'est comme si la population, nous les Togolais lambda, là, on est pris en otage, quoi. D'une manière, les gens jouent à préparer un gâteau au-dessus de nos têtes qu'on nous fera avaler à tout moment. Non, il faut que la population maintenant soit éveillée et que on voit tous les pièges possibles que nos gouvernants nous tendent, hein, et ne tombons pas dans ce piège-là des élections truquées à l'avance, ne tombons pas dans le piège du génocide, c'est ce à quoi j'inviterai les Togolais, quoi. Ayons nos yeux vraiment ouverts et que la pression continue, parce que c'est au finish le peuple qui doit gagner, c'est le Togo qui doit gagner. Et le Togo, c'est avant tout la population et c'est le peuple, hein, que moi je dis qui doit gagner dans cette lutte, quoi. Et là, votre sourire en dit long, et mais le Togo est le seul pays de la sous-région ouest africaine à ne pas connaître la tendance pacifique, et dans ce contexte, Fonia Simbé a été élu président en exercice de la CEDEAO. Doit-on dire qu'il a le soutien des chefs d'État de la sous-région, quoi, c'est que c'est? Eh bien, Amos, je crois que vous me posez là une très belle question, une très très bonne question. C'est-à-dire que est-ce que le chef de l'État fort, hein, actuel président de la CEDEAO, il a le soutien des autres chefs d'État? Il faut se poser la question de savoir qui sont ces autres chefs d'État d'abord. La CEDEAO, c'est quoi? C'est qui? C'est qui derrière? C'est-à-dire, il faut pas se tromper de cible, hein. Aujourd'hui, surtout si on prend les pays francophones, ok, toutes nos ficelles sont tirées depuis la France, ok. Nous mangeons CFA, nous utilisons produits français, nos chefs de l'État, il faut pas se le cacher, ils aboulent des sous à la France. Bon, on est prisonnier de la France et la décision ne pourra venir que là. Nos armées sont entraînées par qui? Nos armes sont achetées où? Bon, alors si le soutien des chefs de l'État de la CEDEAO pouvait vraiment compter, il fallait ou il va falloir que eux-mêmes soient en mesure de parler en leur nom. Je crois que ce qui se passe au Togo est en train de montrer quelque chose au monde. C'est-à-dire, nous sommes en train de vouloir prendre une seconde indépendance et elle est dure à prendre. Pourquoi c'est jusqu'à présent, c'est le Togo qui n'est pas lâché? Et si cette dernière bastion-là de la France aussi est perdue, alors la France aura perdu beaucoup de choses. Mais c'est la France dont on attend le moins parlé. Nous parlons de CEDEAO, nous parlons des autres intervenants, nous parlons de l'UMOA, tout ça c'est africain. Il faut comprendre si l'Afrique est libre d'abord, et je ne crois pas. Hein? Donc il va falloir un jour être assez en mesure d'aller toucher le problème du doigt, quoi. Et c'est ce que, pour le moment, nous ne voyons pas ou qui ne se passe pas. Pourquoi le chef de l'État peut rester muet quand les gens sont tués dans son pays, mais il va intervenir quelque part au nom de la CEDEAO et là-bas il peut parler? Il est muet dans son propre pays à cause de quoi? Il faut qu'on raisonne. Il faut qu'on sache ce qui se passe derrière les rideaux. Et aujourd'hui, je crois, quoi, et j'encourage toute la population à le faire. Aujourd'hui, nos télés ne sont plus en blanc-noir. Voilà. Ils sont en couleur, comme dirait quelqu'un. Les enfants, nos petits frères, nos enfants, voient un peu plus clair que nous. Et c'est ce mouvement-là qui doit se développer. Il faut que la base de la pyramide bouge un peu mieux qu'avant. Nos chefs d'État, même jusqu'à la France là-bas, le chef de l'État doit sentir qu'il gouverne une population. Et si ces populations-là ne peuvent pas parler, l'euro ne va pas sentir. Ils vont toujours croire que c'est eux qui nous dirigent. Non, il va falloir faire comprendre à nos dirigeants que c'est le peuple avant tout. Donc, au niveau même de la CEDEAO, et j'appelle tous les Togolais à le faire, communiquons avec nos frères des pays de la CEDEAO, faisons-les bouger pour qu'ils bougent leurs dirigeants et que les dirigeants aillent bouger là-bas quelque chose en France et qu'on arrête de nous prendre pour je sais pas quoi. Et que ça cesse. Nous voulons notre liberté, c'est tout. Eh bien, revenons un peu sur la situation qui prévaut au Togo. Togo, état d'alerte, Togo, état de terreur, tir à balles réelles, balles blanches, machettes, gourdins, etc. Face à des populations qui manifestent les mains nues, près de 15 morts, plusieurs blessés, des centaines de réfugiés dans la bourse et dans les pays voisins, et même si Amnesty International condamne cette situation, des questions se posent sur le rôle que joue la communauté internationale, notamment la France, pour dénouer cette crise. Quelle est votre lecture de la situation? Oui, parlant de la communauté internationale, mon frère Amos, je crois qu'il faut pas que les Togolais soient dupes, quoi. Et la communauté internationale, personnellement, moi, je n'y crois plus. Parce que les autres pays sont guidés par quoi? Ils sont guidés par leurs intérêts. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qu'il va falloir que les Togolais fassent, ce qu'il va nous falloir faire, c'est nous mélanger un peu mieux aux autres communautés, surtout ceux qui ont les mêmes problèmes que nous. Une marche des Togolais, partout où ça doit se faire, doit être une marche de tout le continent, si possible. C'est ce que nous devons commencer par faire, c'est-à-dire intéresser la base, intéresser les autres populations à nos problèmes communs, pour que eux, ils commencent aussi par interroger leurs gouvernants, leurs dirigeants. Je prends un exemple. Ici, aux États-Unis, les Togolais sont plus ou moins regroupés dans leur communauté. On va à l'église, on va à la messe avec qui on connaît. Alors que, dans cette même église, il y a des Haïtiens, il y a des... Mais dites bonjour aux autres. Apprenez à les connaître. Parlez de vos problèmes. Parlez de votre pays. Les gens se disent apolitique. Non, tout le monde doit pouvoir parler de son pays. Et parler de son pays, c'est avant tout faire la politique. Alors, si on arrive à expliquer le problème du Togo aux Américains, à l'Américain lambda, il ira en parler à son congressman. Parler du problème togolais à un dentiste, ben quand le congressman ira chez le dentiste prochainement, pour lui arracher sa dent, il va comprendre. Et si ça commence par faire mal, si les Américains, par exemple, le congressman comprend que la base ne va pas le voter parce qu'il ne résout pas les problèmes de la communauté, vous comprenez? Donc, il faut que le problème du Togolais qui vit dans une communauté devienne le problème de la communauté. Ce n'est que comme cela qu'on pourra bouger les choses au sommet. Ça veut dire quoi? Que les gens, nos frères Togolais en France, pourront faire bouger Monsieur Macron à travers les autres Français. parce qu'ils ont compris le problème de l'Afrique, ils ont compris le problème du Togo. C'est ce que nous devons faire. Le lobbying, moi je crois que ça ne peut pas se faire au niveau des politiciens. Vous m'excusez, mais nous faisons mal notre lobbying. Ok? Il va falloir que ça passe de la base. Ça parte de la base. C'est maintenant une autre forme de lobbying qu'on doit faire. Discutez avec votre boulanger du problème quotidien que vous avez. On tue mes parents au Togo. Vous avez vu ça dans les news? Est-ce que vous avez lu le journal? Et alors cette personne s'intéresse. Moi, c'est ce que je fais. Et je vois plein d'Américains, pas de Togolais. Maintenant, aller sur mes websites et me causer dans la rue. C'est les Américains qui m'apprennent les problèmes qui se passent maintenant au Togo. Et ça, j'en suis ému, mais j'encourage tous nos frères désormais à le faire, quoi. Voilà. Sinon, les tirs à balles réels, etc. Les gens voient ça depuis. Et ils vont se dire, mais il y a pire. On tue plus d'enfants en Syrie. Personne ne parle. C'est à nous maintenant de nous prendre en charge. C'est à nous de faire parler de nos problèmes et on ne peut le faire qu'à travers les autres communautés. Eh bien, parlons du citoyen togolais. Vous êtes coordinateur de ALTO, Action pour la Libération du Togo. Et là, on ne voit pas toute la société civile togolaise prendre le devant de ce combat. Que fait concrètement votre mouvement face à cette crise au Togo? Oui, monsieur Amo, c'est vrai qu'on ne voit pas trop la société civile vraiment réagir à cette crise au Togo. Pourquoi? Ben, je peux vous l'expliquer. Parce que quand vous parlez de société civile, vous parlez surtout de nos ONG, etc., hein, les non-profits. Il faut comprendre d'abord comment ces gens fonctionnent. Il faut comprendre comment une société civile fonctionne. Vous venez avec un projet en tant que société civile, il vous faut aller demander des fonds pour ce projet quelque part. On vous donne les fonds, vous devez rendre des comptes. Alors, pour une crise comme celle qui se passe au Togo, quand est-ce qu'on a le temps d'aller faire un projet, d'aller demander l'argent, on va vous donner cet argent? Bon, pendant ce temps, nos enfants sont morts, vous voyez. Donc, la société civile, en fait, ne peut pas réagir. Bon, maintenant, comment nous autres, ALTO, hein, Action pour la Libération du Togo, nous fonctionnons? Et ça, c'est l'idée que j'aimerais donner à tous les Togolais. Je venais de le dire, il faut que nous soyons dans nos communautés. Alors, ce que nous faisons aux États-Unis, par exemple, c'est actuellement, je donne juste un exemple, hein, c'est la saison où les feuilles tombent des arbres avant l'hiver. Donc, quand les feuilles tombent, ils tombent en masse, les maisons sont remplies. Ben, allez, en tant que Togolais, au lieu de prendre un samedi pour aller jouer au ballon et boire votre Guinness quelque part, oubliez ça, oubliez le jeu pour une soirée et allez frapper aux portes des Américains qui ne peuvent pas avoir le temps de débarrasser leur jardin de ses feuilles. Aidez-les et dites-leur, présentez-vous, dites-leur que ben, vous êtes société civile africaine, etc. Et vous êtes content de faire ce travail-là pour que eux en retour, vous fassent des dons qui vous aident à résoudre une crise. Vous leur présentez le Togo, ils sont contents de voir ça et ils le passent à leurs voisins. C'est le lobbying que je disais à la base. C'est comme ça, nous, on fonctionne ici. Je vais pas aller frapper nécessairement à la porte de, je sais pas, un monsieur lobbying, l'inviter au restaurant. J'ai même pas l'argent pour ça. Non. Je vais directement à l'Américain lambda à qui je peux parler et dire hi. Il me dit hi. Je peux vous débarrasser de vos feuilles. Il dit oui. Je fais le travail. Et il veut dire combien je vous donne. Je sais, ben, vous savez combien vous voulez me payer, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour plus. Je veux aider telle communauté. Est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, si la personne doit vous payer 50 dollars, par exemple, ils sont contents de pouvoir aider des enfants qui sont là-bas dans la brousse à Mango. Ils vous donnent 200 dollars pour que vous puissiez leur acheter à manger. C'est comme ça, je crois, et j'encourage tous les Togolais maintenant à fonctionner. Si on arrive à le faire, ben, on aura plus de fonds. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour nous autres Togolais vivant en Europe, aux États-Unis par exemple aussi, au Canada, etc., de d'abord survivre au quotidien. Hein, vous tapez, c'est pas 40 heures de travail, à la fin du mois, vous avez le salaire, combien ça vous coûte de payer votre chambre, de payer la maison, de payer l'électricité, de payer l'eau, de payer le transport, de payer le téléphone, de payer vos parents. Ben, écoute, ça fait trop et il ne nous reste rien. Combien on pourra cotiser alors? pour participer à la lutte. Presque rien. Alors, ça ne pourra pas aller comme ça. Il faut qu'on change de tactique. Il faut que les Togolais comprennent que maintenant, ça doit être du fond de raisin. Si vous savez chanter, c'est le moment d'aller dans la rue, faire une chanson pour les gens qui passent et leur présenter le Togo. Vous leur donnez une carte avec le website où aller faire les dons dessus. Les Américains aiment ça. Ils veulent voir quelque chose de nouveau. Alors faisons dans le nouveau et aidons nos parents au pays. C'est ce que je recommande. Oui, une dernière question pour vous libérer en même temps. Hein, votre mot de fin, jusqu'à quand cette flamme de mobilisation restera-t-elle allumée? Oui, jusqu'à quand cette flamme restera allumée? Ben, je peux vous le dire, monsieur Amos. C'est-à-dire que c'est... Moi, j'appellerais ce qui se passe au Togo une révolution. Hein. Ne nous trompons pas de mots. Elle vient de commencer. Elle pourrait être très longue. Elle pourrait être aussi très courte. Ce qui est sûr, c'est qu'une flamme vient de s'allumer et elle va consumer. Elle va consumer le régime, que le régime le veuille ou pas. Ce truc-là ne va plus s'arrêter. Et c'est, si je suis à leur place, je passe rapidement à une négociation pour ne pas perdre le temps. Bon, malheureusement, et peut-être aussi quelque part heureusement, le régime en place est en train justement de jouer avec le temps. Il croit qu'en jouant avec le temps, en feintant dans le match de foot là qui a commencé au Togo, en allant, en faisant, ils pourront gagner du temps. Ça, c'est le jeu qu'ils sont en train de faire. Et ils pourront émousser la population. Ben, à nous, donc, population, de comprendre le jeu et de changer de tactique. Le Togolais doit changer de mentalité dans tout son ensemble. C'est-à-dire qu'avant, il y en a qui se disent, oh, j'attends quelqu'un pour me dire de cotiser pour aider mes frères au pays. Ok? Mais n'attendez plus ce leader. Tout le monde, tout Togolais maintenant doit être un leader. Pour lui-même d'abord et pour sa maison ensuite et pour son quartier et pour sa communauté, son village et pour le pays. Alors, comment je le vois? Je vois, et bien surtout, et je parle à nos jeunes, à mes frères. Je vous dis, vous êtes dans le même quartier. Vous vous connaissez, vous allez à l'école ensemble, vous allez à l'église ensemble, vous allez au marché ensemble, vous faites du jogging ensemble, donc vous vous connaissez. Mais organisez-vous en petite brigade. Une brigade de secouristes. Une brigade qui s'occupe des vieux, des gens âgés qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, au moins que vous montez une petite brigade de médecins qui passent chez eux à la maison, voient comment ils se portent, hein, leur prend l'attention, etc. C'est comme ça on a organisé nos quartiers à Décon, je le reprécise, j'étais à Décon, ok? C'est comme ça on avait organisé notre quartier pour pouvoir survivre à la grève illimitée, à la grève générale illimitée à l'époque. Donc, des brigades de surveillance, des brigades qui donnent à manger aux gens. Hein, c'est-à-dire, il faut recouper dans les maisons. On devient. Je prône la solidarité. Je prône la solidarité dans nos quartiers. Ce n'est que comme cela qu'on pourra défendre nos quartiers d'abord contre les milices et aussi à attiser cette flamme-là pour qu'elle prenne et consume le régime en place. Et ce serait mon mot de fin. J'encourage vraiment, vraiment mes frères à s'organiser et au Togo et dans la diaspora. Nous devons changer de méthode parce que la danse aussi a changé. Kwasi Kulse, merci beaucoup de nous avoir accompagnés en ligne depuis les États-Unis. Je rappelle à nos fidèles auditrices et auditeurs de cette émission panafricaine que vous êtes coordinateur du mouvement citoyen Alto, Action pour la libération du Togo. Merci et bonsoir. C'est quand on de règne des Gnassingbé. Ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinats politiques, crimes économiques, cabésier au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, assassinat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne d'Gnassingbé, du père au fils. éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs, pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fille, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vainc dans la dignité. Wakato adala Togobia Ive. Wakatifo Togobia Fenima. Togobia Aloato Dala Ekwe Ekwe Nesan. Togovio Gamesu Michite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora. Fin de cette édition spéciale à mes auditeurs. Merci à Eric Alvoro qui a assuré la technique à FM Liberté à Chicago. Merci également à Deo de Radio Denigman pour la parfaite collaboration. Mais avant de vous quitter à mes auditeurs, panafricains, restez des nôtres et retenez ces consignes de feu Thomas Sankara qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne méritait pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. » S'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Et pour le peuple togolais qui aspire à la tendance pacifique, nous vous souhaitons encore une fois beaucoup beaucoup de courage avec cette chanson de l'évangéliste Israël Maweta, Novio Avluti. Quant à mon équipe, nous vous retrouvons samedi prochain à Radio Canal K. Bonne continuation de programme sur nos radios partenaires FM Liberté et Radio Tendigma. Oh, Obenu bemawu anu jinami. Mi ma bogedero. Mi ma bogedero. Mi ma bogedero. Mi ma bogedero. Netu oledi dima. Mi ma bogedero. Obenu bemawu anu jinami. Soldiers, arise. Oh, I do know, baby, oh. plato África, o caída América, quando se sentiu de caganga o cagamia o exuma catila o amena da força de África, o detalhe força é na América, de notre là-bas vient les grandes nations, mais notre honneur est la discrimination. Navi wo micho nya wodo a hoto do deji kala o fa kala wo micho bajo bajo ma dune wo yata a kolete chido jo la sumia to vo yata ye man a kolete kala o fa kala wo a kolete bajo bajo ma dune wo yata. Travaillons pour développer notre cité, la rendre confortable et assurer la sécurité, contre la dépendance à perpétuité. Oh, pour ne plus immigrer en clandestinité, mais toujours voyager en toute liberté. Levons-nous pour reconstruire notre belle cité. La victoire est bien assurée, faut pas désespérer. Oi, a volete, bojo bojo ma june woyata, a volete. Chidu jula zumia to voyata. Ye man, a volete, kala ufa kala wo a volete. Bojo bojo ma june woyata, a Mi la son, mi la ve destin. Mi la son, mi la ve mousse. A son, mi la ve mousse. Babylon a kida toi. Babylon a me batobe, Babylon a me rou toi. N'a somme n'a belou, c'est quoi ta son a déjà c'est la sienne. Obe mia y soukou la de, ni y soukou loulou. Obe mia nya roma, ye mi ko di flo. Obe yo flan flan yo, mi ho fri lo. Et mené corps non nuéné.